Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, événements et avènements, l'élection municipale de Dreux en 1983 ou la naissance dans les urnes du Front National. Pour les moins de 35 ans, le FN a toujours fait partie de la vie politique française avec plus ou moins de succès. Tout au long de leurs souvenirs, ils se souviennent des dérapages médiatiques du chef, Jean-Marie Le Pen, de ses condamnations, des chambres à gaz, qualifiées par lui de détails de l'histoire, de ses violences physiques envers une candidate socialiste dans les Yvelines, de ses jeux de mots injurieux, ses insultes contre les musulmans, les juifs, les roms, du 21 avril 2002 bien sûr, et de la quête de respectabilité de ce parti désormais sous l'égide de sa fille Marine. Pour les plus âgés, le Front National est entré dans la vie politique un soir de septembre 1983 lors d'une élection partielle dans l'Eure-et-Loire. Avant cette date, le parti d'extrême droite n'est rien. Fondé en 1972, il n'a qu'un chef sans horizon et sans machine électorale. Avec 270 adhérents en 1980, les réunions se déroulent souvent chez un militant, à 3 ou 4, presque dans une cabine téléphonique. Mais en 1983, avec Jean-Pierre Stirbois, Dreux, le front sort du bois. Numéro 2 du parti, cet homme crée la surprise et la stupeur. La brèche s'ouvre, elle sera durable. Pour en parler avec nous en seconde partie d'émission, nous recevrons Françoise Gaspard, maire socialiste de Dreux de 1977 à 1983 et auteur du livre « Une petite ville en France » et de l'autre livre « La fin des immigrés ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production, Léa Dupouy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Joseph Caraballona, Coy Nguyen et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Kevin Pelot, Dimitri Gronoff. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 23 février 1977, église Saint-Antoine des 15-20, boulevard Ledru-Rollin, Paris. Un cercueil passe, les têtes se baissent. L'extrême droite française rend hommage à l'un des siens. Il s'appelle Alain Escoffier. Quelques jours plus tôt, il s'est immolé sur les Champs-Élysées pour protester contre la venue à Paris du chef de l'État soviétique Léonid Brejnev. Sur le parvis de l'église, on a rangé les barres de fer. Ne reste que quelques croix celtiques et des décorations militaires d'Indochine ou d'Algérie accrochées sur les vestons en signe d'appartenance. Toutes les tendances sont représentées, du catholique traditionnaliste à la petite frappe étudiante, en passant par les anciens de l'OAS. À l'abri des regards, deux hommes se rencontrent pour la première fois. L'un a 48 ans. En 1974, il recueille 0,74% à la présidentielle. Il est le premier président du parti d'extrême droite, le Front National, fondé par des anciens d'ordre nouveau. Son nom, Jean-Marie Le Pen. L'autre a 32 ans, il est militant d'extrême droite. En 1975, il fonde avec Michel Collindeau l'Union Solidariste, un groupuscule nationaliste, anti-marxiste, anti-capitaliste, impérialiste. Celui-là s'appelle Jean-Pierre Stirbois. Quelques semaines plus tard, il lâche son mouvement et s'encarte au Front National. À son arrivée, le parti a certes des idées qu'il partage, un chef charismatique qu'il apprécie, mais aucune base pour un appareil politique militant. En 1978, après la mort de François Duprat, Jean-Pierre Stirbois prend du galon et répond désormais aux journalistes. Notre objectif, ce sont les présidentielles, puisque les travaux qui ont lieu aujourd'hui même en Auvergne pour le Front National ont porté essentiellement sur la candidature de Jean-Marie Le Pen à ces élections, candidature de la droite nationale. Alors très rapidement, quelles vont être vos grandes lignes d'action, grandes lignes de la campagne ? Les grands sujets qui vont être abordés, ce sont notamment la lutte contre le chômage, la lutte pour le maintien du pouvoir d'achat, la lutte contre la dénatalité et la lutte contre la sécurité des Français. Les slogans sont prêts, mais pas les signatures. Le parti échoue à en réunir 500. Aux législatives de juin 1981, le Front National n'obtient même pas 1% des voix. Au lendemain de ce nouveau revers, Jean-Pierre Stirbois est nommé secrétaire national du parti. Assis à gauche du président, il évalue les faiblesses du parti, structure l'appareil militant et lance les nouvelles bases d'un front qu'il espère victorieux dans les urnes. Dreux sera sa ville test, le laboratoire de ses idées. Dreux, c'est la ville dont est originaire sa femme, mais aussi celle de Maurice Violette, l'ancien ministre du Front Populaire qui ouvrit les portes de sa cité aux républicains espagnols. Ville refuge pour les harkis et les pieds noirs au lendemain du départ de l'Algérie. Ville dortoir pour les travailleurs immigrés de la capitale. Ville piégée par le chômage et la crise après le choc pétrolier de 1973. En mars 1982, c'est l'élection cantonale, premier test pour le couple Stirbois et le Front National dans la France socialiste. Au Front National, la politique est une affaire de famille et d'héritage, jusqu'à la crise qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs. Le mari Jean-Pierre se présente dans le canton de Dreux-Ouest, la femme, Marie-Christine, dans celui de Dreux-Est. Pour la première fois, une équipe de télévision de Midi 2 suit la campagne de la candidate frontiste. Blonde, bon chic, bon genre, bourgeoise de province, elle n'a rien de l'image de l'extrême droite traditionnelle. Toujours souriante, elle arpente les rues de la ville, discute avec les commerçants, enfile ses bottes pour rencontrer les agriculteurs du canton. Ses sujets de prédilection, l'immigration, le chômage, l'insécurité, la peur du déclassement, tout y passe. Au soir des élections cantonales, et pour la première fois, le FN flirte avec la barre des 10% dans plusieurs cantons. À Dreux, madame récolte 9,59% des voix, monsieur 12,62%. Mais c'est dans une banlieue ouvrière de Dunkerque, dans le Nord, que le parti d'extrême droite de Jean-Marie Le Pen réalise son meilleur score avec un peu plus de 13% des voix. Le signal est fort. Pourtant, ces quelques résultats ne font pas les gros titres, ou juste quelques brèves, dans la presse régionale. Un an plus tard, en 1983, le Front National sera pourtant dans tous les esprits. Alors, quand et comment est-il entré dans nos vies ? Dreux, élection municipale de 1977. Après 12 ans de direction centriste sous la houlette de Jean Cochon, Françoise Gaspard est élue maire de la ville dès le premier tour. Jeune, indépendante, agrégée d'histoire, elle s'installe à l'hôtel de ville alors qu'elle n'a pas encore terminé ses études à l'ENA. Elle devient la seule femme socialiste à diriger une ville de plus de 30 000 habitants. Françoise Gaspard et Dreux sont alors des symboles de la gauche victorieuse. Et c'est tout naturellement cette ville de l'Eure-et-Loir que choisit François Mitterrand pour rassembler les maires socialistes de France. Françoise Gaspard accueille fièrement le premier secrétaire du parti et ses ténors. À Dreux, c'est comme une sorte d'état de grâce. En 1981, Françoise Gaspard est élue députée et s'exprime désormais au micro de l'Assemblée nationale, régulièrement. La maire de Dreux est la femme qui monte au Parti socialiste. Mais 2 ans plus tard, dans cette ville comme ailleurs, la rose a perdu des pétales. Françoise Gaspard doit désormais faire face à une ville en rupture, brisée par le chômage qui touche près de 10% de la population, soit 3 points au-dessus de la moyenne nationale. Dreux est une ville typique de la décennie des années 80 qui commence. Prospère et innovante, pendant les Trente Glorieuses, la croissance économique a modifié la ville. Autour du centre bourgeois historique, des grands ensembles et des lotissements ont été construits sur les plateaux surplombant la ville. Là-haut vit une population populaire française, mais surtout immigrée. Travailleurs du bassin de la Seine, ils sont venus de la péninsule ibérique, puis de Maghreb et de Turquie. Leur arrivée a modifié la démographie de la ville. Il représente en 1983 près d'un quart de la population de Dreux. Alors quand le temps de la croissance cède la place à celui de l'austérité et de la crise, l'étranger devient la cible pour une partie des habitants. C'est sur ce terrain que le candidat frontiste Jean-Pierre Stirbois espère récolter de nouvelles voix. Il a trouvé son terreau, celui de l'angoisse et des peurs irrationnelles. Depuis l'élection cantonale et le succès du FN, le thème de l'immigration est un sujet à la mode dans les milieux politiques et sur les marchés de la ville. À gauche, Françoise Gaspard, la maire socialiste, ne contourne pas la question. Elle en parle librement, elle en fait même l'un de ses sujets importants à l'Assemblée. Pour elle, il faut maîtriser l'immigration et lutter contre les filières clandestines. Il est absolument nécessaire de maîtriser l'immigration. Il serait fou aujourd'hui, étant donné ce qu'est la situation économique de la France, de dire aux étrangers, vous pouvez arriver en France et vous y trouverez du travail. Ce serait totalement irresponsable. Dès juillet 81, le gouvernement de gauche a pris des mesures en ce sens pour interdire totalement l'arrivée de nouveaux travailleurs migrants et pour lutter aussi contre les filières clandestines, parce que nous savons que des entreprises sans scrupules font encore arriver des travailleurs et qu'il est difficile de surveiller les frontières. 348 millions de passages aux frontières par an, je ne sais pas si vous imaginez ce que cela représente comme problème, 348 millions. À droite, à Dreux, la discussion est plus problématique au sein de l'opposition. Le score réalisé par le couple Stirbois au cantonal inquiète les barons locaux du RPR. Et contre toute attente, René-Jean Fontani, candidat déclaré du parti de Jacques Chirac, constitue une liste d'union intitulée « Dreux d'abord, union de l'opposition pour le changement » avec le candidat frontiste dès le premier tour. Ses compagnons centristes, eux, partent seuls, refusant toute alliance avec l'extrême droite. À l'état-major du RPR, on se désolidarise de l'initiative du candidat de Dreux, mais on n'appelle pas à son exclusion ou au boycott de sa liste. Pour la première fois et dès le premier tour, des candidats RPR et FN font campagne commune. René-Jean Fontani s'en explique au micro d'Antenne 2. L'accord que nous avons conclu à Dreux avec le Front National est un accord purement local, ce qui signifie que nous nous sommes engagés sur un programme de gestion municipale et que cet accord, bien évidemment, n'engage pas nos formations respectives à l'échelon national. Alors, notre projet à Dreux se résume en une formule, inverser le flux de l'immigration. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Dreux souffre d'un problème évident et le score qui a été réalisé par le candidat du Front National montre qu'il y a véritablement un problème, ce que nos adversaires ont toujours nié. Et il faudra donc que notre équipe ait des solutions originales en la matière, tout en étant par ailleurs tout à fait convaincu que la solution réelle au problème dépend de solutions gouvernementales. C'est donc une liste à deux têtes. René-Jean Fontani, avocat installé à Dreux depuis peu, s'occupe des rues bourgeoises et commerçantes du centre-ville. Son colistier, Jean-Pierre Stirbois, l'imprimeur nationaliste, s'organise avec méthode et minutie. Il quadrille chaque quartier, centralise son action sur les plus populaires et répète inlassablement le même slogan « Halte à l'immigration, du travail pour tous les Français ». Il y a un an, il était connu de son immeuble. Aujourd'hui, à Dreux, il est connu dans tous les immeubles. Désormais, c'est autour de lui et de ses slogans que s'articule la campagne et l'attention des candidats. Sa technique est simple et fera école au Front National. Récupérer les difficultés des gens les plus désarmés face à la crise. Et pour cela, tout est permis, l'exagération, la rumeur, les fausses vérités, la roublardise. Le Front n'ayant pas bonne presse, Stirbois imagine des stratagèmes pour atteindre sa cible comme le coup du magnétoscope ou de l'aspirateur. Mode d'emploi. On envoie des inconnus jouer les démarcheurs. Il s'agit de cibler un foyer français populaire, sonner à sa porte et lui proposer un produit comme un magnétoscope à un prix élevé. L'habitant, bien sûr, négocie. Alors le démarcheur s'étonne de la question, étant donné qu'il vient d'en vendre un à l'un de ses voisins immigrés. Ah bon? Mais oui, à ce prix-là, absolument. Évidemment, le démarcheur n'avait pas de magnétoscope à vendre. Quelques jours plus tard, l'immeuble recevra les tracts du Front National avec son programme, ses idées. Voilà l'une des méthodes de Stirbois, borderline, mais efficace. Tout au long de ces semaines, la tension est palpable dans les rues traditionnellement tranquilles de cette petite ville située à 80 km de la capitale. Des discussions acharnées se déroulent en pleine rue, dans le centre-ville ou en bas des HLM. C'est un réel problème parce que moi je suis dans l'immobilier et ça me gêne énormément. Les étrangers, enfin les Parisiens ne veulent pas venir à Dreux parce qu'il y a des immigrés. Le 13 mars, après un premier tour serré, la liste de la gauche l'emporte de 8 voix au second tour. 4 jours après, Françoise Gaspard, à la surprise générale, décide de jeter l'éponge et annonce qu'elle ne se représentera pas à la mairie lors du scrutin en conseil municipal, ce qu'on appelle traditionnellement le troisième tour. Elle espère que son départ calmera les esprits et affirme poursuivre le combat, mais sans le titre de maire. Dans la ville, c'est l'incompréhension. Pourquoi lâche-t-elle la mairie ? Pour ses opposants, ce départ n'est qu'un aveu après la demande d'annulation du scrutin formulée par les candidats de droite. Le 13 juin, le tribunal administratif leur donne raison. L'élection est annulée après la découverte de 7 bulletins de plus que le nombre de votants sur la liste d'émargement et d'un écart final de 5 voix entre les deux listes chercher l'erreur. Les cartes sont redistribuées, tout est à refaire. À gauche, c'est Marcel Piquet, le maire élu à la suite de la démission de Françoise Gaspard, qui portera les couleurs de la majorité socialiste. Père de famille, autodidacte devenu entrepreneur d'une entreprise florissante de chaussures, il a le visage rond et une moustache épaisse. On change de symbole. À droite, la campagne du RPR est désormais dirigée par Jean Hillot, ancien conseiller municipal. Il réalise l'union avec les centristes, mais lui, il claque la porte au nez de Jean-Pierre Stirbois. Le Front National partira donc seul au premier tour. La campagne redémarre. Cet après-midi, vous farciez le Murger, le Gambetta, tout ce secteur-là, avec les grands portraits et les affiches de famille. Hein. Tout l'été, Jean-Pierre Stirbois, avec ses quelques militants, poursuit son ratissage des quartiers populaires. Stirbois, c'est l'extrême droite en costume cravate, style genre idéal, fringant, calme. Il a le goût du contact. Tel un Diogène moderne, la philosophie le tonneau en moins, il aime alpaguer les gens dans la rue jusqu'à la discorde devant des militants de gauche ou des immigrés. Car derrière l'image d'Épinal se cache un militant violent, extrême, n'ayant pas peur de déclarer à la tribune d'un meeting du front à Nice, immigré de l'autre côté de la Méditerranée, retournez à vos gourbis. Chaque matin, il ouvre le journal et c'est en s'inspirant des faits divers qu'il argumente pour démontrer la montée de l'insécurité et les problèmes liés à l'immigration. Les formules sont générales, la réflexion bat de plafond, la vérité des faits trompeuse. Il suffit de le dire avec aplomb, personne ne vérifiera. Sauf certains journalistes, comme lors d'un reportage d'Antenne 2. Assis au bout de la table, entouré de ses colistiers, le candidat frontiste a invité une femme à témoigner d'une agression qu'elle a subie quelques jours plus tôt. Jean-Pierre Stirbois écoute, compatit, puis accuse. Oui, bonjour madame, je crois que vous êtes venue pour me voir parce qu'il vous est arrivé un incident assez grave et ma femme est allée vous voir à l'hôpital il y a quelques jours. Est-ce que vous pourriez me repréciser dans quelles conditions tout ceci s'est passé? Mais voilà, je me suis fait agresser avec ma fille au BAT par un groupe de maghrébins. Je me suis retrouvée hospitalisée pendant 5 jours à la suite de cette agression. J'ai perdu 90% de la vue d'un œil. J'ai porté plainte. Je l'ai entendu dire, je crois malheureusement que le résultat des dernières élections qui ont donné la victoire à la gauche dans les conditions que l'on sait a laissé croire un certain nombre de délinquants maghrébins, je dis bien délinquants maghrébins, ils ne sont pas tous, Dieu soit loué, mais enfin un certain nombre d'entre eux, qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses en toute impunité parce que la gauche l'avait emporté. Donc je pense qu'il va falloir montrer maintenant notre détermination pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Et en ce qui me concerne, je vais prendre contact avec le commissaire de police. À la suite de ce témoignage, les journalistes veulent en savoir plus. À la sortie du local de Jean-Pierre Stirbois, ils questionnent la femme un peu plus longuement sur les lieux et les circonstances du drame. Ils découvrent alors que l'agression est en réalité un accident de fin de balle pendant laquelle la femme a reçu un coup à l'œil, un mauvais coup. Bon, peu importe. Pour le candidat du front, chaque drame intime est une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer. J'ai eu cette dame qui a parlé tout à l'heure. Il suffit de peu de choses. Il y a des gens... Malheureusement, beaucoup de gens sont armés à Dreux, que ce soit des immigrés maghrébins notamment, puisque lorsqu'on demande à un armurier à qui vend des armes, 80% des gens qui achètent des armes, et notamment des riot guns, sont des maghrébins. Je ne pense pas que ce soit pour tirer le pigeon, que ce soit dans n'importe quelle ville de France, quand on fait une enquête auprès des armuriers, on sait que ce sont eux qui s'arment en priorité. Bon, alors il y a des Français qui s'arment aussi, forcément. Mais très franchement, vous n'avez pas, enfin, vous avez accusé, vous personnellement d'ailleurs, hein, d'avoir un peu mis le feu au poudre, d'en avoir utilisé ce problème de l'immigration. Tout le monde pense tout bas. La parole se libère, le problème a un nom et une identité, c'est l'étranger. La méthode a de l'avenir, on le sait maintenant. À Dreux, ce n'est qu'un début. Non mais viens, tu m'as prêté de bougnoule, tu viens, viens voir, dis si je veux te faire voir quelque chose. Non, viens voir, mais viens voir. Bon écoutez, moi je vous fais voir mon passeport, je suis née en Algérie. Alors, je ne suis pas du tout raciste, hein. Pas du tout, mais je trouve qu'il y a un problème, c'est certain. J'en ai dans mon immeuble, il y en a partout, on n'a pas de difficulté avec eux. Il faut savoir aussi s'adapter un peu, il ne faut pas non plus être intransigeant, quoi. Il n'y a aucun problème, hein. Oh, ben, ils sont sales, ils sont bruyants, ils dévastent tout. De la parole aux actes, alors, combien seront-ils à voter Stirbois le 4 septembre? a voté. Et le scrutin est clos. Dreux, 4 septembre 1983. Toute la journée, les Drouais ou Durocas vont aux urnes pour le premier tour de l'élection municipale partielle. Devant la place de l'hôtel de ville, des dizaines d'habitants scrutent le grand tableau noir où l'on affiche les résultats de chaque secteur de la ville. Puis la nouvelle tombe, peu après 20h. Pour la première fois en France, un candidat du Front National atteint la troisième place du scrutin avec 16,7% des voix. Le candidat gaulliste est en tête à plus de 42%. Le maire sortant atteint difficilement la barre des 40%. Dans les rangs de la gauche, c'est la douche froide. L'extrême droite remporte un succès sans précédent. Marcel Piquet, le maire socialiste, appelle à la mobilisation des troupes face au danger que représente ce parti et ses idées. De son côté, Jean Hyot, le candidat gaulliste arrivé en tête, assure le service minimum. Il lit un court communiqué qui ouvre la porte à une négociation avec la liste d'extrême droite. Le lendemain, Jean Hyot et Jean-Pierre Stirbois se rencontrent. Les discussions sont longues, rudes, mais chacun sait que si elles échouent, ils seront tous perdants. Jean-Pierre Stirbois souhaitait la sécurité, il obtient finalement la protection civile, les affaires culturelles et sociales. Les centristes, eux, jettent l'éponge et se retirent de la liste. Pour le second tour, RPR et Front National font donc front commun. Dans toute la France, la nouvelle de cette union fait la une. À gauche comme à droite, le score du Front National interpelle et inquiète. Au lendemain du premier tour, Simone Veil, ancienne déportée d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, devenue ministre et président du Parlement européen, se démarque de la masse sur le plateau de l'heure de vérité. Alors tout d'abord, je voudrais dire que ce qui m'inquiète le plus, c'est effectivement ce score de plus de 16% pour l'extrême droite. C'est ça. Pour l'extrême droite. Je trouve que c'est très préoccupant en soi. Et c'est très préoccupant aussi lorsque l'on sait que ce score a été réalisé grâce à une campagne qui visait les immigrés. Alors quant à l'alliance de l'opposition avec cette liste d'extrême droite, pour ma part, je n'ai pas de responsabilité politique au sein des formations de l'opposition. Et tout ce que je peux dire, c'est que si je m'étais trouvé dans cette situation, je n'aurais pas fait d'alliance avec le Front National. Alors, si vous aviez à voter dimanche prochain pour le second tour des élections municipales de Dreux, alors qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien, je m'abstiendrai. Deux jours plus tard, jour de vote, 11 septembre 1983, nous y reviendrons. D'abord, cette réponse de Simone Veil, franche, sans appel, sans calcul politicien, elle s'abstiendrait. Toute la sphère intellectuelle, politique, artistique envoie des tribunes, des appels, des analyses sur le scrutin de Dreux. Pendant quelques jours, la ville devient l'épicentre des débats en France. À droite, on garde le silence ou on relativise, comme le fait Michel Poniatowski, par exemple, ancien ministre de l'Intérieur du président Giscard d'Estaing, qui pointe la présence de 4 ministres communistes au gouvernement. Pour lui, c'est plus important et ça, c'est bien plus dangereux que 4 personnes du Front National au conseil municipal de Dreux. La gauche, elle lance les grandes opérations de communication. À chaque problème, son concert et son artiste de service. Le 9 septembre, le PS rassemble autour d'une soirée pour la démocratie Yves Montand, Simone Signoret, Simone de Beauvoir, le ministre de l'Agriculture, Michel Rocard, Pierre Juquin, communiste et Alain Krivine, entre autres personnalités de gauche. Dans la rue, à Dreux, les discussions s'enflamment entre sympathisants frontistes et, disons, les autres, sur l'immigration. On se met la tête sous l'aile et on veut refuser ce problème. Exactement comme quelqu'un qui aura un cancer et qui ne voudrait pas se soigner. Bon, c'est tout. Je vais vous poser un... La France est malade de l'immigration. Ce n'est pas à cause des immigrés qui sont mauvais, qui sont méchants. Les immigrés. Tout le monde parle que des immigrés. Je suis d'accord avec toi. Tout le monde parle des immigrés. Je vais vous donner un exemple. Je vais répondre précisément à une question précise. Une personne qui travaille depuis 10 ans ici avec pas sa... Pas question, pas de problème. Non, mais du jour au lendemain, comme a dit monsieur, elle tombe au chômage. Vous la renvoyez chez elle? Ah non, s'il est travailleur depuis longtemps en France, il est. Et s'il est travailleur depuis un an et que son entreprise fait faillite et qu'il est licencié économiquement, il sera obligé de rentrer chez lui. C'est possible. Parce qu'il a le malheur de naître à l'étranger. Il a une malheur. Et que son entreprise a fait faillite, il est obligé de. Il travaille depuis un an, il est obligé de rentrer chez lui. Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas des Français qui sont obligés de partir ailleurs parce qu'ils n'ont pas de travail non plus ici? Il y en a aussi qui font ça. C'est bien du plaisir le jour du tri alors. Le jour où vous allez décider quel part et lequel reste, je vous souhaite bien du plaisir. Ah mais c'est pas moi qui décide, c'est le gouvernement. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'avènement du Front National, c'était en 1983 à Dreux. Notre invité à qui nous donnerons la parole dans 5 minutes, c'est Françoise Gaspard, qui était maire de Dreux, maire socialiste de 1977 à 1983. Et voici arrivé le 11 septembre 1983, jour de vote. Il n'y a jamais eu autant de monde dans la salle des fêtes et sur la place de la ville, à Dreux. Aux côtés des Drouais, journalistes et militants antifascistes et sympathisants de gauche attendent les résultats. À 20h30, l'annonce est faite. La liste RPR Front National remporte la mairie avec plus de 55% des voix. Jean-Pierre Stirbois, numéro 2 du FN, entre au conseil municipal d'une ville de plus de 30 000 habitants. Dans la salle des fêtes, dès l'annonce, c'est son nom que l'on fustige. Jean Hyot, le candidat en tête de la liste RPR et du Front National, arrive lui aussi sous les huées. Quand le futur maire prend la parole, derrière, certains entonnent le chant des partisans. Je comprends l'amertume et le désarroi de ceux qui, ce soir, n'ont pas gagné. Je leur demande de les surmonter, que chacun oublie ses ressentiments, que les plaies se cicatrisent. Je serai le maire de tous les Drouais, sans sectarisme ni parti pris. Je m'attacherai à gérer la ville, à permettre à tous, sans exception, de vivre un peu mieux. Je m'attaquerai aux grands problèmes dans un esprit de justice et de tolérance. À l'extérieur, l'escadron de CRS venu pour la soirée charge une première fois pour dissiper la foule. Sur les visages des socialistes du coin, des larmes et des questions plein la tête. Comment n'a-t-on rien vu? Pourquoi une partie de cette ville de Dreux est-elle tombée entre les mains de l'extrême droite? Et puis, de quoi sera fait demain? La peine laisse place à la colère. Marcel Piquet, le perdant du soir, la voix cassée, l'émotion à son paroxysme, appelle ses partisans au calme. Le combat, il doit se poursuivre dans le calme et la dignité. Même dans l'opposition, je resterai à vos côtés pour vous défendre. Mes amis, après ce que je vous demande, je vous supplie, rentrez chez vous, dispersez-vous calmement. Vous ne pouvez pas créer l'irrémédiable dans cette ville. Nous en supporterions tous les conséquences. Même s'il y a des gens qui se sont trompés. Dreux entre ainsi dans l'histoire de l'extrême droite et dans la mémoire de tous les Français. Le lendemain, la presse française et internationale titre sur l'élection. Jean-Pierre Stirbois, la vedette politique du moment, cède la place à son président, Jean-Marie Le Pen, qui n'a pas fait le déplacement ou la campagne à Dreux, mais qui voilà une occasion en or. Devant les journalistes, troisième d'une élection partielle, le président du Front présente désormais son parti comme la troisième force, prête à devenir un partenaire de l'opposition de droite. Elle a montré qu'il n'y avait pas de victoire possible pour l'opposition, sans l'action et la présence du Front National. Autrement dit, d'une deuxième ou d'une troisième composante, si l'on veut, de l'opposition anti-marxiste. Est-ce que cela veut dire que vous allez modifier votre comportement à l'intérieur de l'opposition ou vous voulez être un partenaire à part entière et vous rapprocher des autres grandes composantes de l'opposition? Nous voulons être un partenaire à part entière car nous avons des positions sur l'ensemble des problèmes qui sont assez sensiblement différentes de celles de l'opposition libérale, qu'elle soit UDF ou RPR. Mais néanmoins, nous sommes prêts à des alliances dans le cadre d'un choix de société qui est évidemment le même que celui de l'opposition libérale, même si nous avons des positions assez différentes sur un certain nombre de problèmes. En cet automne 83, à Dreux et ailleurs, deux Frances se font face. L'une est symbolisée par la ville de l'Eure-et-Loire, l'autre par la marche pour l'égalité et contre le racisme qui part un mois plus tard de Marseille. Dans les semaines qui suivent, le Front National engrange de nouveaux succès symboliques lors d'élections partielles. Près de 10% des voix à Aulnay-sous-Bois, 12% dans le Morbihan. Mais c'est le drame dans un train Bordeaux-Vintimille qui endeuille l'opinion et clôt l'année de façon dramatique. Habib Grimzi, touriste algérien, est assassiné par 3 légionnaires. D'abord battu à coups de pied, de poing, poignardé, il meurt après qu'on l'a jeté du train en marche. Le différend entre lui et les 3 hommes n'était basé que sur sa couleur de peau. Personne parmi les passagers présents dans le wagon n'est intervenu pour sauver le jeune homme. Son nom s'ajoute à la liste des victimes de crimes racistes perpétrés cette année-là en France. Le ministre de l'Intérieur en déplore 5, les associations parlent d'une dizaine. Partout, l'intolérance et la violence prospèrent. Le Front National, lui, poursuit sa route, désormais sous le feu des projecteurs. Le 13 février 1984, Jean-Marie Le Pen et le Front National conquièrent un nouveau terrain, celui de l'audimat du prime time du jeudi soir. Pour la première fois, Jean-Marie Le Pen est invité sur le plateau de l'heure de vérité de François-Henri de Virieux et Alain Duhamel. Le lendemain, rue Bernouilly, au siège du parti, ils sont des dizaines à faire la queue pour prendre leur carte. Quelques mois plus tard, ils seront 10,98% à accorder leur voix à la liste européenne de Jean-Marie Le Pen. En 1986, 35 députés frontistes, dont Le Pen et Stirbois, entreront à l'Assemblée nationale. À Dreux, en 1983, la gauche a perdu ses certitudes, la droite a tendu la main. Le Front National a commencé alors à se frayer un chemin, devenu 32 ans plus tard, une autoroute politique. Bonjour Françoise Gaspard. Bonjour. En 1977 et jusqu'en 1983, vous étiez donc la maire socialiste. On disait Madame le maire avant, maintenant on dit la maire de Dreux, la maire socialiste. Et vous étiez donc aux premières loges pour voir l'arrivée du Front National. La première question qui me vient à l'esprit, peut-être pour me rassurer et rassurer beaucoup de gens d'ailleurs, à l'époque, même de bons analystes politiques ont dit le Front National, non, ça passera, hein, c'est un épiphénomène. Mmh. Ben, ça n'est pas passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel était votre sentiment, vous, quand vous avez vu les débuts du Front National? Est-ce que vous vous êtes dit, oh, ça c'est une nouvelle force politique qui va prendre racine? Le Front National, Jean-Pierre Sirbois, est arrivé à Dreux, a été pour la première fois candidat à Dreux, aux législatives de 78. Oui. Il a fait 2%. On le remarquait à peine. L'année suivante, en 1979, il a été pour la première fois candidat aux élections cantonales. Il a annoncé la venue, pour la fin de sa campagne électorale, de Jean-Marie Le Pen à Dreux. Ce qui a provoqué une émotion chez les associations des droits de l'homme et les mouvements d'extrême gauche notamment, qui ont menacé de faire des contre-manifestations. À la suite de cela, en accord avec le préfet du département, j'ai interdit cette manifestation de Le Pen pour risque de trouble à l'ordre public. L'avant-veille du scrutin, se tenait dans la banlieue de Dreux la dernière réunion du candidat socialiste. Petite commune, une trentaine de vieux militants qui étaient là, et nous voyons arriver, un à un, de jeunes hommes aux cheveux courts, aux imperméables longs, et les mains dans les poches. Et au milieu d'eux, Jean-Pierre Sirbois, qui m'interpelle. J'étais à la tribune avec le candidat socialiste que je soutenais, et qui me demande si un jour j'accepterai que Jean-Marie Le Pen vienne à Dreux. Je lui réponds que tout cela dépendrait des circonstances et qu'en cas de risque de trouble à l'ordre public, je prendrai le même arrêté. Et là, des œufs sortent des poches et nous sommes arrosés de jaune et de blanc, d'œufs à la tribune. Jean-Pierre Sirbois avait bien commencé son implantation. Et dès 1979, il a obtenu plus de 9% des voix dans ce canton de Dreux. Et pourquoi il a bien réussi? Ça tenait à sa personnalité. Qui était cet homme que vous avez côtoyé, vous, par la force des choses? Il était jeune, il avait une trentaine d'années. C'était un activiste que j'avais connu dans les années 68, 69, 70. Il participait des groupes d'action d'extrême droite, très, très vigoureuses, qui venaient. J'étais à Sciences Po à l'époque, il était avec des gens de la fac de droit, Occident, etc., pour empêcher, par exemple, des réunions politiques de gauche rue Saint-Guillaume. J'ai connu également son épouse à l'époque, Marie-France Tirbois, qui, elle, était étudiante à Nanterre, et qui faisait également le coup de poing avec ses hommes contre les étudiants de gauche et d'extrême gauche. Donc c'était des militants. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jean-Pierre Sirbois, incontestablement, a été un des organisateurs de la mise en place du Front National sur le terrain national français, partout. Donc, le Front National vient peut-être à limite plus son implantation, plus de lui que de Jean-Marie Le Pen, qui avait une très mauvaise image hein, lorsqu'il s'est présenté en 1974. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui nous vient de la frange d'extrême droite, des violents, parce que vous disiez tout à l'heure, les mouvements occidentaux, tout ça. Mais ça n'a pas répondu à la question. C'était très intéressant ce que vous m'avez raconté, hein, je vous en remercie. Mais quand même, la question, est-ce que vous vous êtes dit, l'extrême droite française, telle que je l'ai connue, moi, étudiante, avec ses excités, là, les porteuses d'idées qu'on pensait, qu'on espérait ensevelir, c'était réglé. Est-ce que ça va devenir une force politique? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu l'avenir? Oui, j'ai pensé en 79 et encore en 81 que ce parti n'avait pas beaucoup de chances de prospérer. Sirbois, de nouveau, était candidat aux législatives en 81 et il est retombé à 2%. Mais en 82, vous l'avez rappelé, il s'est présenté avec sa femme. Chacun sur un canton de Dreux. Et là, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est leur score, que vous avez rappelé, 12% pour l'un, quasiment 10% pour 9,58, pour l'autre. Et ce qui m'a vraiment inquiété à ce moment-là, déjà, c'est les accords qui ont été passés avec les candidats de droite, les candidats du RPR de M. Chirac de l'époque, qui ont accepté le désistement de Jean-Pierre Sirbois, contre la promesse, évidemment, d'une alliance dans les élections suivantes. Et donc là, j'ai commencé véritablement à être inquiète, surtout que j'ai vu le jeu de Sirbois. et le fait qu'il entendait désormais, pour l'élection partielle qui devait avoir lieu après l'annulation de l'élection en septembre, il avait l'intention de faire une liste au premier tour. Alors, pourquoi vous, pour le coup, vous jetez l'éponge ? Pourquoi vous n'y allez pas, 83 ? Parce que là, pourtant, c'est porteur. Je dis pas qu'il faut sauver la ville ou sauver la France, mais il y a un contexte porteur. On attendait à ce que vous y alliez ? Je ne sais pas. J'avais, dans la ville, j'étais considérée comme très pro-immigrée. J'étais farouchement, par exemple, pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Et je tenais sur cette position qui irritait jusqu'à certains de mes amis politiques. Je pensais qu'en me retirant, le climat serait peut-être davantage apaisé. Alors, concernant le Front National, qui donc entre aux affaires municipales, en partenariat avec la droite classique à Dreux, depuis le Front National a conquis des villes, même beaucoup de villes, et peut-être que pour ceux qui veulent combattre le Front National, lever l'hypothèque Front National, c'est de regarder leur bilan. On va faire ça d'ailleurs à Dreux. Donc Jean-Pierre Sterbois et certains de ses amis entrent à la mairie, et donc ils se voient en charge de l'action culturelle, entre autres. Alors écoutez un témoignage extrait d'un journal de télévision, c'est un an plus tard, donc en 84, sur le bilan culturel du Front National à Dreux. On écoute ensemble et on le commente ensuite. Moi, je suis à Dreux depuis en gros 8 ans. Je suis arrivé dans une ville où il y avait peu de choses. Petit à petit, on a été invité à participer à la création de tout un champ socioculturel. Entre autres, on faisait le constat qu'il y a 2 ans, sensiblement, il y avait à peu près une manifestation culturelle tous les 3 jours. Actuellement, il n'y a plus rien. Bon nombre d'animateurs municipaux ont disparu. Des associations de quartier se sont dissoutes, liées à des phénomènes peut-être à la campagne municipale, mais aussi une espèce d'abandon, dans la mesure où quand on mène un mouvement associatif, on a besoin d'être soutenu et d'être reconnu par la collectivité locale. Si je ne m'abuse, dans les villes qui ont été administrées par le Front National, je ne pense pas qu'on puisse dire que la culture s'en soit mieux portée. Et même dans certaines villes, ça a été assez catastrophique. Quel est votre sentiment sur... Il y avait une adjointe Front National au maire de Dreux qui a été chargée de la culture. L'une de ses premières décisions, ça a été de suspendre des abonnements à un certain nombre de journaux, en particulier au Canard Enchaîné, qui était tout à fait symbolique, vraiment. Et je me souviens aussi que cette adjointe avait décidé de faire monter au théâtre de Dreux une pièce de Monterland, et invité par courrier tous ses amis politiques à venir faire masse à la salle des fêtes au théâtre pour cette pièce qui avait été d'ailleurs un échec total. Oui, la culture a beaucoup souffert après le départ de la gauche de Dreux. Et ensuite sur les autres compartiments de la vie, de secteurs de la vie de la ville, comme toutes les autres villes, je pense à l'emploi, l'économie, l'urbanisme, que s'est-il passé ? Est-ce que la droite a mis en place un programme qui soit d'inspiration idéologique du Front National pour les immigrés, par exemple ? Non, c'était impossible. Que pouvait-il faire ? Les étrangers étaient là, ils sont restés. Ils ne pouvaient pas prendre des décisions qui se prenaient plutôt au niveau gouvernemental. Et encore, la pression démographique était là. Donc en fait, ils étaient là pour rien, pour l'affichage ? Pardon ? C'était pour l'affichage, ils sont élus. Front National, je parle, ils sont élus, ils constituent une force qui s'imbrique et qui s'implique dans la vie politique française à partir d'une ville. C'est ça en fait là. Non, mais ce qui a été, je crois qu'il faut remarquer, c'est dès 79, 80, 82, Dreux a été un terrain d'expérimentation pour le Front National de l'inoculation du virus xénophobe et qui a contaminé une partie de la droite, et qui, je dirais, a empêché la gauche, a fait que la gauche n'a pas été très courageuse en la matière. Le fait de renoncer, par exemple, au droit de vote des étrangers était, à mon avis, une erreur.

de respectabilité, faire en sorte que son parti soit présentable comme un autre, avec une stratégie de prise de pouvoir, en tout cas d'être associé au pouvoir, hein, contrairement à ce que ne voulait pas son père, justement. Est-ce que pour vous, le Front National est maintenant définitivement implanté, bien implanté? Est-ce que, il ne s'agit pas de lire dans la boule de cristal, hein, mais il s'agit de voir quel est votre sentiment maintenant sur son présent et sur son avenir, par rapport à ce que vous avez connu, les prémices, hein, il y a 32 ans. Le Front National a été relativement important dans les années 80. Il ne faut pas oublier non plus, par exemple, que Marie-France Tirebois, après la mort de Jean-Pierre Tirebois, d'un accident de voiture, en 88, est devenue, lors d'une élection partielle, députée Front National. Absolument. Et ce n'était pas le scrutin proportionnel, c'était le scrutin d'arrondissement majoritaire. Donc il y avait une présence du Front National. Il y avait déjà aussi des élus locaux, on l'a oublié, du Front National. Il y en avait dans les conseils régionaux, en 96, il y a eu pas mal de Front National qui ont été élus. Marie-France Tirebois elle-même a été conseillère générale en Eure-et-Loire pendant 6 ans. Il y a eu ensuite un reflux du Front National en raison notamment de divisions à l'intérieur du Front National. L'affaire Maigret. Où en est-on aujourd'hui? Non, je ne sais pas lire dans la boule de cristal. Ce que je pense, c'est qu'il y aura sûrement des secousses relativement durables en raison des positions de Jean-Marie Le Pen réitérées ces derniers jours, qu'il peut y avoir de nouveau des fractures à l'intérieur de ce parti. L'histoire de l'extrême droite est celle de rupture très très forte, de cassure à l'intérieur du mouvement. Je crains malheureusement qu'il reste un socle d'extrême droite dans ce pays, surtout si la droite fait des concessions sur le plan théorique au Front National en faisant des déclarations sur l'immigration, comme on l'a vu déjà dans la dernière campagne présidentielle de la part de Sarkozy. Donc il y a un risque effectivement d'un terreau, d'un rassemblement entre une proximité entre la droite et l'extrême droite. Ce que je redoute, oui, c'est une dérive vers la droite de l'ensemble de la France. Parce que François Mitterrand disait, entre autres, hein, mais c'était pas politiquement correct, donc il l'a dit plutôt de façon discrète, mais pour lui, alors comme pour d'autres, finalement la droite française, qu'on appelait avant droite classique parlementaire, a effectivement un cousinage idéologique. Pour lui, la droite était, l'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, était le prolongement de la droite, disons, classique et parlementaire. Est-ce qu'on pourrait dire ça aujourd'hui, que finalement, d'un point de vue des idées, hein, il y a un prolongement, un cousinage, une proximité idéologique entre les deux, entre le Front National et une partie de l'UMP? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qui est redoutable. Et ce qui est redoutable aussi, c'est que la gauche ne se ressaisisse pas suffisamment vite sur des questions de valeurs, pas seulement sur le problème économique, mais également sur les questions de valeurs. Et les questions, par exemple, de la xénophobie devraient être un souci de la gauche, qui devrait reprendre cette idée de dialogue avec les migrants, les anciens migrants. Et je le dis encore une fois, donner le droit de vote aux élections locales à tous les étrangers résidents depuis un certain temps serait le moyen de rétablir un dialogue dans le pays entre des groupes qui sont en train de se séparer. Et d'où viennent les blocages? Parce que ni la droite ni la gauche n'ont voulu le faire. Qu'est-ce qui fait qu'on se bloque sur cette question-là? Parce que aux élections locales, c'est une première marche, peut-être pour autre chose, mais qu'est-ce qui fait que ça bloque? L'incapacité d'affronter la réalité et de dénoncer une xénophobie qu'on craint trop puissante dans le pays pour pouvoir la combattre. Alors là, on pourrait lever l'hypothèque pour le coup. Tout à fait. Bon. Et puis, peut-être aussi un autre point compliqué pour combattre le Front National, c'est maintenant sa mainmise, mais son intrusion très forte dans le débat de la laïcité. C'est-à-dire que voilà, le Front National, devenu laïque, essentiellement d'ailleurs contre les musulmans, hein, cette laïcité-là est une laïcité qui ne paraît pas forcément universelle, mais intéressée, comme là aussi c'est un élément important quand même, cette nouvelle orientation du Front National. Je ne sais pas si elle est partagée par tous les militants et même les dirigeants du Front National. Je pense que c'est un débat à l'intérieur du Front National, cette question de la laïcité. On l'a vu avec, par exemple, dans un certain nombre de villes tenues par l'extrême droite, les crèches dans les mairies au moment de Noël. Oui, il y a un débat qui est interne sur ces questions-là. Il me reste à vous remercier, Françoise Gaspard, de votre témoignage, de vos éclairages sur cette histoire. Vous êtes vraiment un témoin direct. Vous l'avez vécu de très près. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la naissance du Front National, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de France Inter. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le crash du Mont-Saint-Odile en janvier 1992. Vous écoutez France Inter, il est 16h.